Conte de fées en français. Le lanceur de galets. Certains passages de cette vidéo peuvent ne pas convenir pour des enfants de moins de 13 ans. Il était une fois, en glorieuse terre du Laos, la terre des millions d'éléphants, vivait un petit garçon qui s'appelait Mansay. Il n'avait pas de parents et il boitait d'une jambe. Mais Mansay était un enfant très heureux et tous les villageois s'occupaient un peu de lui. « Salut Mansay, je t'ai amené des légumes frais de mon jardin. »« Oh, Léa ? » Des légumes ! Je lui ai amené quelque chose de meilleur. Une tarte sucrée, ça va pourrir toutes ses dents. Les enfants du village jouaient souvent avec lui. Et il était le meilleur à un jeu en particulier. Waouh ! Comment t'as fait pour toucher cet arbre ? Et voici le grand Mansay. Il arrive à viser tout et n'importe quoi, même hyper loin. Eh bien? La vérité, c'était que Mansay passait beaucoup de temps à s'entraîner à lancer des galets sur des objets très éloignés. Il arrivait même à atteindre les feuilles qui se trouvaient tout en haut des arbres immenses. Un jour qu'il était assis tout seul sous un grand banyan, il se mit à jeter des galets sur les feuilles. Oh, wow! La lumière du soleil qui passait au travers des feuilles créa une image sur le sol. On dirait un garçon qui danse. Et en effet, quand les feuilles bougeaient et les rayons du soleil avec elles, l'image sur le sol bougeait aussi avec grâce. Quand ses amis arrivèrent pour le voir, ils furent enchantés du spectacle devant eux. Oh, c'est quoi? C'est trop trop beau! Créons autre chose alors, d'accord? Alors, il créa un éléphant sur une feuille. Puis, un bébé éléphant. Waouh! On dirait un bébé éléphant qui suit sa maman. C'est beau! Les enfants profitaient du spectacle et ne firent pas tout de suite attention au roi et à ses soldats qui s'approchaient. Ils finirent par se retourner en les entendant faire du bruit. Ah non! Le roi! Vite, cachons-nous! Viens, Mansay! Les enfants se cachèrent derrière les buissons et le roi et ses troupes s'arrêtèrent pour se reposer. Mais dès que le vent souffla et fit bouger les feuilles, les éléphants apparurent près du roi et lui donnèrent une grande surprise. Oh! Qu'est-ce que c'est? On dirait de la magie. C'est magnifique! Garde! Trouvez la personne qui a créé cette œuvre d'art. Oh non! Ils vont venir nous chercher! Courez! Courez! Attendez! Attendez-moi! Mais les enfants s'enfuirent en courant, laissant Mansay derrière. Même si le roi était un homme bon, aux yeux des petits-enfants, il n'était rien de moins qu'un grand homme qui faisait peur. J'ai trouvé un garçon ici. Amenons-le au roi. Et ainsi, le pauvre Mansay, apeuré, fut amené devant le roi, tout tremblant. C'est toi qui as fait ces images? Oui, oui, oui, votre majesté. Prouve-le-moi. Fais-en de nouvelles pour nous. Mansay ramassa un galet, mais juste à ce moment-là, un rossignol se percha sur une branche. En le voyant, Mansay eut une idée. Avec les galets, il vint claquer contre une feuille pour former l'image du corps d'un oiseau. Sur une autre feuille, à la tête de l'oiseau. Et quand les feuilles se mirent à bouger, tout le monde regarda avec émerveillement. Incroyable! On dirait que c'était cet oiseau qui sifflotait la chanson. Le roi et ses gardes profitèrent du moment et applaudirent l'oiseau de lumière qui chantait. Mon garçon, tu as un talent remarquable. J'aimerais te ramener avec moi au château. Tu pourrais m'être d'une grande aide. Et ainsi, Mansay vint s'asseoir dans le carrosse comme le roi. Et ils se rendirent au palais royal. Arrivé là-bas, Mansay fut impressionné de se retrouver à l'intérieur. Maintenant, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Je vais bientôt avoir une réunion avec mes ministres. l'un d'eux n'arrête pas de parler. Oh ? Je veux dire qu'il n'arrête pas de bla bla bla bla. Je veux lui apprendre à savoir écouter les autres aussi. Et comment je peux vous aider ? Tu vas te cacher derrière les rideaux et lancer des morceaux de peau d'orange amère dans sa bouche. Mansé fut très amusé par cette idée et décida de suivre le plan du roi. Il s'assit derrière les rideaux, en face du ministre, qui s'appelait Eric. La réunion commença peu après. Oh non ! J'ai oublié de demander au roi quel ministre c'était. Alors voilà, je vous ai fait venir pour discuter de tous les vols survenus dans le royaume. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Eh bien, monsieur, je me demandais si... Je pense que nous devrions poser la question aux victimes. Je sais que certaines personnes ont aperçu le voleur à un moment donné. C'est dingue. Alors, dans ce cas... Mais je crois que ça va prendre du temps avant d'attraper cet homme. Après tout, c'est un immense royaume que nous avons là, avec plein de gens sympas. Eric, je crois qu'il veut dire quelque chose. Mais il y a aussi beaucoup de soldats dans le royaume. Du coup, ça pourrait être plus rapide qu'on ne croit. Oh. C'est donc lui, alors. Allez, c'est l'heure de faire une pause, monsieur Pavard. Il lança la peau d'orange droit dans la bouche d'Eric, qui fut très surpris et devint vite tout pâle. Ça va, Eric ? Est-ce que tout va bien ? C'est quoi ce truc horrible dans ma bouche ? Bah ! Bah ! Eric, vous êtes en présence du roi. C'est bon. Alors, qu'aviez-vous l'intention de me dire ? Eh bien, votre majesté... Je disais donc que les gens de ce... Il doit y avoir quelqu'un parmi nos bandes gens. Je veux dire, on ne peut pas être trop sûr. Oh mon Dieu, on dirait que cette fois, Eric n'a pas la langue si bien pendue. Merci, mon Dieu. Alors, votre majesté, si vous voulez bien m'écouter... Je m'excuse pour ça. Je voulais juste dire que... Mais qu'est-ce qui m'arrive ? À chaque fois que j'ouvre la bouche, quelque chose d'horrible me tombe dedans. Et encore une fois, il avala la pelure et décida de rester silencieux, par peur qu'autre chose ne rentre à nouveau dans sa bouche. Alors, je peux parler maintenant ? À la bonne heure, votre majesté, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a dans notre royaume un cirque ambulant. Et à chaque fois que leur caravane s'arrête, il y a une maison du coin qui est cambriolée. Information intéressante. Alors, vous voulez donc vous rendre sur le lieu de leur prochaine étape ? Exactement, votre majesté. C'est une excellente idée. Qu'en pensez-vous, Eric ? Eric était très impressionné par cette idée. Je... Oui, continuez. Eh bien, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Excellent. C'est vraiment bien de pouvoir entendre plein d'opinions différentes, non ? Oh oui, oui, en effet. Et c'est ainsi qu'à chaque fois qu'Eric recommença à trop parler, Mansé lui lançait dans la bouche une pelure d'orange amère. Grâce à ça, Eric resta silencieux tout le temps et n'eut pas d'autre choix que d'écouter les autres parler. Je ne me souviens pas avoir entendu leur opinion avant. Je parle vraiment tant que ça ? Une fois la réunion terminée, le roi vint voir Eric. Alors, Est-ce que maintenant vous réalisez que donner aux autres une chance de parler et faire entendre leur opinion, c'est une chose très importante ? Oui. Je suis désolé de m'être comporté comme ça. Je vais faire de mon mieux pour changer désormais. Ah, mission accomplie. Le roi fut ravi de la réussite de Mansai et lui permit de rester vivre au palais. Il fut bien nourri, on s'occupa bien de lui. Et il vécut une vie très heureuse à pouvoir utiliser ses talents pour les autres. Et Eric alors? Eh bien, il tint sa promesse et fit de gros efforts pour laisser l'occasion aux autres de pouvoir parler. Parce que savoir écouter l'opinion des autres, c'est très important. Aussi, on doit toujours accorder de l'importance aux idées des autres personnes.